j'allais rôder dans une boîte de la zone. Je frimais dur dans mon costard. Frimeur ! Non seigneur, hé, je continue. Ah, mais ton flashback. Quand une bande de marlous vint me chercher quelques coups, car ils semblaient bien que mon look ne leur convenait pas du tout. Doudou, avant qu'ils me fassent la fête, j'offre à tous des cigarettes blondes. Et la paix s'est installée, on est tous allés boire un coup. Ah ah, rappelle-toi que la vie te sourit si tu souris à la vie. Flashback, pour un coup de vie, je réponds du tac au tac à la vie qui me sourit. Ah ah, rappelle-toi que la vie te sourit si tu souris à la vie. Flashback, pour un coup de vie, je réponds du tac au tac à la vie qui me sourit. Flashback, pour un coup de vie, tu réponds du tac au tac à la vie qui te sourit. Soir où j'allais traîner du côté des Champs-Élysées, j'étais bien parti pour draguer. Dragueur ! Non, joli cœur, hé, je continue. Bah, fais ton flashback. Quand une dame bien roulée me proposa de monter, mais je suis un sentimental, je cherche la femme idéale. Tout doux, avant qu'elle me fasse la fête, je me tirais sans tourner la tête, très fier. Et ce soir-là, je me suis tapé Love Story dans un ciné. Ah, ah, rappelle-toi que la vie te sourit si tu souris à la vie. Flashback, pour un coup de vie, je réponds du tac au tac à la vie qui me sourit. Ah, ah, rappelle-toi que la vie te sourit si tu souris à la vie. Flashback, pour un coup de vie, je réponds du tac au tac à la vie qui me sourit. Flashback, pour un coup de vie, tu réponds du tac au tac à la vie qui te sourit. Un matin j'ai trop bulé, oubliant qu'il fallait bosser. Mon lit était bien trop douillé. Bilard ! Non rêveur, hé, hey, je continue. Ah, fais ton flashback. Quand bien plus tard j'ai débarqué à mon business pour bosser, le patron était fou furieux, il m'aurait tué de ses yeux. Oh, tout doux, avant que ce soit ma fête, je donnais ma démission, pas fier. Et le lendemain au loto, c'était moi qui gagnais le gros lot. Un coup de vie, je réponds du tac au tac à la vie qui me sourit. Ah ah, rappelle-toi que la vie te sourit si tu souris à la vie. Flashback, pour un coup de vie, je réponds du tac au tac à la vie qui me sourit. Flashback, pour un coup de vie, tu réponds du tac au tac à la vie qui te sourit. Ah ah, rappelle-toi que la vie te sourit si tu souris à la vie. Flashback, pour un coup de vie, je réponds du tac au tac à la vie qui me sourit. Ah,